L'exposé technoscientifique national du secteur d'automatisation électronique s'est déroulé les 6 et 7 juin au Palais des sciences et techniques de Pyongyang sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée. Y ont pris part les enseignants, chercheurs et membres de doctorat de diverses unités d'activité comme l'Université Kim Il-sung et l'Académie nationale des sciences. Lors de l'exposé réparti en sections de la technique de commande automatique, du système de commande automatique, de la technique de mesure informatique et de l'électronique, on a présenté plus de 120 dissertations. Les diplômes et les prix ont été conférés aux meilleurs participants.